sécheusement. Les rites du SM peuvent les stigmates du serpent. Brûler les crucifix, la Bible, le Talmud et autres Corans. Tu es saine sur le toursin, du fils de rien, les mécréants. La ville moderne comme cathédrale, il en a condamné comme des noms. Dans un contexte théâtral, tu es une crèche sans dire un mot. Tu te dis maître, pas d'imame et pas de pape. Tu es une théologue, qui évangélise à tout pape. Les arpèges plus malsains que les coulisses du Vatican. Les rues assassins qui font douter les plus croyants. Une œuvre délétère, fait que des dieux vivants. Tu es ce visionnaire, ne fais pas le parmi d'un truc vivant, non. Dans son sel, tu essaies de détailler le programme. Vice et luxure, et le tout sans état d'âme. Terminer le carême, aux oubliettes, le ramadan. Tout est permis ce soir, hey, c'est open bar. Ne marche pas sur l'eau, il dissimule pourtant le pas. Une fois qu'il est généreux, il affole les paroissiens. Les fanatiques inspirés et les apôtres dissidents. Tu parjures pour QSM et réclame de boire son sang. Et tous les marques sur les membres d'un vertébré. Des cris d'horreur, des sifflements épouvantés. La véranda saigne dans tes cristes, pas que dedans. Les démons s'agitent sur la croix, tu es sème, nous voici fort.